la guêpe. Elle finira pourtant par s'abîmer la taille. La demoiselle. Elle soigne son ophtalmie. D'un bord à l'autre de la rivière, elle ne fait que tremper dans l'eau fraîche ses yeux gonflés. Et elle grésille, comme si elle volait à l'électricité.